c'est pour les Kaira hardcore. Représente Strebi Bratni 7110. Ici c'est R-A-Y-Z, tu connais ma réplique que j'applique. C'est le freestyle rital, j'ricale rital. Et elle ne changera pas, c'est toujours la même mon frère. C'est le 7-1-0 tellement je représente. Je déjante, écoute mon peur qui te fera connaître l'évolution constante qui chute en pente. Maintenant dans la vie, te faut un instinct de survie. On en est arrivé à ce stade où la vie est quasi impossible, où tu en es la cible. Les années détériorent à la façon Terminator. Tous les jeunes s'empressent de grandir, mais les grandissent. Car rien ne sert de courir quand tu grandis, les soucis le font aussi. Quelle que soit ton origine, ça te sauvera pas. Car on est tous pareils dans nos cartels. La confiance se gagne tout comme le respect. Dans tous ses aspects, avant de faire une connerie, faut que tu réfléchisses aux conséquences. Positif et négatif, faut que tu sois affirmatif. Certains me glissent sur leur propre piste. Ce que t'as dit mon album RB Unit avec ses sons qui cogitent. C'est pour les Kaira hardcore, celles qui skiffent, qui boivent et qui déconnent. Telle est la version femme d'Al Capone, mi-ange, mi-démon. Elles sont là pour RPZ, notre cartel. Ça te plaît pas, elle te PAIZ. Car ici c'est Strepi, cité animale, puissance maximale. Ouais ouais, c'est pour les Kaira hardcore, celles qui skiffent, qui boivent et qui déconnent. Telle est la version femme d'Al Capone, mi-ange, mi-démon. Elles sont là pour RPZ, notre cartel. Ça te plaît pas, elle te PAIZ. Car ici c'est Strepi, cité animale, puissance maximale. RB Unit, nit, brille comme le zénith, nit, et dégage la chaleur de nos cœurs, tel est mon argot. J'enchaîne mes textes aussi rapidement que le vent, tels sont mes écrits qui proviennent de ta chenille. Puis, je viens